je vais vous présenter une avalanche de matériel, mais je n'ai pas du tout été au bout de l'analyse. Donc, j'ai besoin de vous pour m'aider à analyser cette assez grande floraison de résultats de diverses enquêtes que je vous présente. Alors, je commence en vous rappelant que... Il y a eu un certain nombre d'enquêtes consacrées au rapport au travail avant notre époque. Hein. Une très importante, évidemment, c'était celle qu'avait fait Lazarsfeld et ses camarades sur les chômeurs de Marienthal, vous vous souvenez. Et vous vous souvenez qu'il y avait Marie Yaouda dans l'équipe et qu'elle a repris plus tard, dans une formule assez ramassée, ce qu'ils avaient mis en évidence dans cette enquête sur les chômeurs de Marienthal, hein, le travail, outre sa fonction manifeste, apporter un revenu, remplit 5 fonctions indispensables, il impose une structure temporelle de la vie, il crée des contacts sociaux en dehors de la famille, il donne des buts dépassant les visées propres, il définit l'identité sociale et il force à l'action. Les chercheurs avaient mis en évidence, au cours de ce travail, une assez forte différence, justement, entre les hommes et les femmes, puisqu'ils avaient montré que si les hommes de Marienthal, donc qui sont tombés au chômage, sont totalement désorientés par la perte de leur emploi et n'ont plus le sens du temps, les femmes continuent à avoir une certaine structuration par leur activité quotidienne et par le fait, bien sûr, que les activités qu'elles font, elles, d'une manière générale, notamment... les activités domestiques et familiales n'ont pas disparu. Et donc, le fait que les femmes ne soient pas aussi, que le temps des femmes ne soit pas aussi déstructuré que celui des hommes, s'explique par le fait que la plupart de leurs activités à ces femmes étaient structurées aussi ailleurs, prenaient leurs racines ailleurs. Une autre enquête a été très importante de Morse et Weiss. Je ne sais pas comment on dit Weiss ou Weiss, hein? Je ne sais pas. Donc 1955, un article qui s'intitulait « The Function and Meaning of Work on the Job ». Un des premiers articles portant sur une enquête quanti sur le rapport des personnes au travail. Que voulait-il montrer ? Voici leur profession de foi, hein. Avec la complexité croissante et l'industrialisation de la société, le travail est devenu, pour de plus en plus de personnes, un moyen en vue d'obtenir un revenu. Mais nous courons le risque de généraliser cette tendance et, en poussant l'idée jusqu'à ses ultimes conséquences logiques, de considérer que le travail n'est qu'un gagne-pain. Donc l'idée, c'est attention. Attention à ne pas nous précipiter dans cette idée que le travail serait uniquement un gagne-pain. Et donc, pour vérifier ce qu'est devenu le travail auprès des personnes, ils vont faire une très grosse enquête. Et la question centrale, ça sera tout à fait utilisé par la suite, ça sera de comprendre ce que les gens feraient si, par exemple, ils gagnaient au loto ou s'ils avaient une grosse somme qui leur permettait de ne pas travailler. Est-ce qu'ils continueraient à travailler ou pas ? Principal résultat de l'étude, le travail n'est pas qu'un moyen, puisque la grande majorité des personnes interrogées voudraient continuer à travailler, même si elles avaient suffisamment d'argent pour vivre. D'accord ? Donc, on a démontré avec cette enquête qui portait sur à peu près 400 personnes, donc on disait aux personnes, voilà, si vous gagnez au loto, je crois que c'était gagné au loto, hein, si vous aviez une très grosse somme d'argent et si vous aviez les moyens de continuer à vivre, est-ce que vous continueriez à travailler ? La réponse est oui, donc on en déduit que le travail n'est pas qu'un gagne-pain. Et donc, à côté de la fonction instrumentale du travail, les auteurs ont mis en lumière d'autres fonctions du travail qui leur semblaient autant privilégiées par les individus, et notamment, on retrouve Yaouda, hein, permettre d'être intégré dans la société, donner une occupation, permettre d'avoir un but dans l'existence. Et puis, une troisième enquête qui me paraît très importante, qui part du postulat exactement contraire et qui démontre exactement le contraire. L'enquête de Goldthorpe et ses camarades, The Affluent Worker, publiée en 1968, en 72 en France. Ce texte vise au contraire, donc postulat de départ, hein, vise à démontrer la dimension exclusivement instrumentale du travail, au moins chez les ouvriers étudiés. Ça rentre dans une grande démonstration générale de comparaison des classes qui consiste à voir si les différentes classes, les cadres, les employés, les ouvriers vivent de la même manière ou pas. Mais quoi qu'il en soit, il y a une thèse de départ qui va, elle aussi, être démontrée. Et l'éventualité d'un conflit entre valeurs ou l'existence de difficultés à articuler différentes activités ne tient aucune place dans ces travaux, ni Morse et Weiss, ni Goldthorpe et les autres. Du moins, ce n'est pas là-dessus que le projecteur est mis. C'est-à-dire que la question des loisirs et des amis est bien présente, mais en revanche, toutes les questions qui nous intéressent, notamment... de ce qu'il advient des activités familiales et domestiques qui prennent énormément de temps, ne sont pas centrales dans ces deux enquêtes. Rien n'est dit de ces activités qui occupent un temps très long. Quel est le point commun de ces deux dernières enquêtes dont je viens de vous dire un mot, celle de Goldthorpe et celle de Morse et Weiss, qui défendent chacune une thèse très forte et qui parviennent à des résultats diamétralement opposés? Les échantillons sont constitués exclusivement d'hommes. Il y a 401 hommes dans l'enquête de Morse et Weiss et 229 dans l'enquête de Goldthorpe et Lockwood, et aucune justification dans les deux cas sur l'exclusion des femmes. Il faudra donc attendre les enquêtes européennes et notamment à partir de 1981 les vagues de l'European Value Study, puis les deux autres, International Social Survey et European Social Survey, pour qu'on ait des échantillons importants, plus importants encore que ceux des deux enquêtes que je vous ai citées, des échantillons importants où on aura les mêmes questions posées aux hommes et aux femmes et où on aura aussi des questions importantes posées sur le hors-travail et sur l'articulation travail et hors-travail.